بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد à compter de ces douloureux là qui vont arriver là, on va rentrer dans kayfiyat as-salah. De quelle façon accomplir la salat? De façon brève, bien entendu. Il n'y a pas de tafsil, on a expliqué dans ce livre que ce livre, l'explication est sommaire, et le livre lui-même en lui-même est sommaire, mais contient l'essentiel à savoir. Faqala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fil mas'ala al-thamina wa sittin. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة والدليل قال الله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Donc l'auteur dit dans le 68e point, lorsque tu te lèves pour la salat, alors fais face à la qibla. C'est-à-dire, au moment où tu as l'intention de faire la salat, fais face à la qibla. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, nous allons donc te tourner vers une direction, c'est-à-dire la qibla, que tu agrées. Fais donc face à la mosquée sacrée, et où que vous soyez, faites-lui face. Naam. Car à la base, les musulmans faisaient face à Bet el-Maqdis, lorsqu'ils faisaient leur salat. Avant. Puis ce jugement fut abrogé, il leur fut ordonné de tourner leur visage vers la Qibla, Al-Ka'ba, qui est Baytullah, à Mecca. Donc ça c'est parmi Shurut al-Salat, parmi les conditions de la Salat, de faire face à la Qibla. Dans la Sunna, il fut également rapporté cela dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, al-Muttafaqun alayhi. Dans l'histoire concernant cet homme qui faisait mal la salat et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris. Qala lahu idha qumta ila salati fa asbir al-wudu thumma istaqbil al-qibla fa kabbir. Qui lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu comptes accomplir la salat, alors accomplis bien le wudu, puis fais face à la qibla et fais le takbir, dit Allahu Akbar. Et le shi'a de Raqib rapporta un kalam de l'imam Ibn Abdelbar dans le Tamhid. والإجماعات قال وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجيه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة وأنه فرض على كل من شاهدها وعينها استقبالها وأنه إن ترك استقبالها وهو معين لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له. Donc Ibn Abdelbar il rapporta que les savants sont unanimes sur le fait que la Qibla, celle que Allah, la direction que Allah a ordonnée à son messager et à ses serviteurs de prendre lors de leur salat, c'est la Kaaba. Et qu'il est obligatoire à toute personne qui verrait cette Kaaba, d'accord, de lui faire face totalement. Car ceux qui sont loin, malgré les boussoles et les calculs qu'il y a, on ne pourra jamais lui faire face comme quelqu'un qui est devant elle. Donc là-dessus, elle amr wasi', la chose elle est large. Ce n'est pas un mille mètres près. Par contre, celui qui est devant elle, lui, il est obligé. Et celui par contre qui a, celui qui connaît la Qibla, la direction de la Qibla, mais qui ne la prend pas pour faire sa salat, alors qu'il la connaît, alors lui, sa salat n'est pas valide. Elle lui est refusée. Donc faire face à la Qibla est parmi les conditions de la salat, une shurut as-salah. Par contre, là, faida que le shiri donne, chef de l'Aqib, c'est que pour le salat nafila, c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire pour celui, par exemple, qui serait sur une monture. Kamaja, fi hadith ibn Omar, fi sahihayn, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yusabbihu ala zahri rahilatihi, haythu kana yuwajjih, yu'ambi ra'si. Que selon Ibn Omar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accomplissait la salat irrogatoire sur sa monture, il faisait salat en fonction de la direction de sa monture. C'est-à-dire qu'il ne se mettait pas en direction de la Qibla. Il faisait salat comme il pouvait. Là, c'est pour le voyage. il ne lui est pas obligatoire de faire face à la Qibla car il y aurait une mashakka, ce serait une chose qui lui serait pénible alors qu'il est en voyage. Donc là, juste pour la salat qui est obligatoire, il n'est pas obligé de le faire. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة التاسعة وستين رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من ركعتين رفع يديه وكان ابن عمر يفعل ذلك متفق عليه ورفع إذا قام من ركعتين انفرد به البخاري. Donc dans le 69e point, l'auteur il dit, on élève les mains dans quatre moments de la salat, à quatre moments. Et la preuve c'est le hadith de Abdullah ibn Omar radi Allahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entre en salat faisait le takbir et levait les mains à la hauteur des épaules. Donc ça c'est le premier moment, au moment du takbir. Lorsqu'il s'inclinait lors du ruku, avant de faire le ruku, il lève les mains. Il levait également ses mains lorsqu'il se relevait du ruku et qu'il dit Sami Allahu liman hamida. À ce moment-là, il lève ses mains. Et également, il levait ses mains lorsqu'il se relevait de la deuxième rakat, il levait les mains. Et Ibn Omar en faisait ainsi, apporté par le Bukhari et Muslim. Et ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire le fait qu'il levait ses mains lors de la deuxième rakat, parce qu'il se relevait de la deuxième rakat, c'est-à-dire après le tashahhud, cela n'est rapporté que par le Bukhari. Donc ça, ce sont les moments où il est obligatoire de lever les mains. Il y a d'autres moments où cela est obligatoire. Et là, Cheikh Abdelrakib, également rapporteur des Fawaïd, il dit que le fait de lever les mains est de trois situations. Premier cas, de le faire simultanément avec le takbir. طيب كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبره. Que il rapporta qu'il a vu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم faire le takbir et lever ses mains en même temps qu'il a fait le takbir. Donc ça c'est un premier cas. Deuxième cas, de le faire légèrement avant le takbir. Comme cela fut rapporté dans le hadith de Ibn Omar, fi Sahih Muslim, قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. Qu'il est dit, رضي الله عنهما, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a accompli la salat, il levait ses mains jusqu'aux épaules, puis faisait le takbir. Donc là, c'est avant de faire le takbir. Et troisième, lever les mains après le takbir. Dans le hadith de Malik ibn Huwayrith, de Sahih Muslim, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. Donc là, le troisième cas, que le prophète صلى الله عليه وسلم, une fois qu'il a fait le takbir, levait ses mains, jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de ses oreilles, à peu près. Donc là, il rapporte une parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'en réalité, ces trois façons de faire font partie de la sunna. Donc il ne faut pas se limiter à une, mais essayer de varier. De temps à autre, faire celle-ci, ou celle-là. Wa akaza. Et ne pas se limiter qu'à une. Adi Faïda Jamila. Naam. Thumma qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala. Fil mas'ala. السبعين قال وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان الناس يأمرون أن أضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit 70e point. Placer sa main droite sur sa main gauche lors de la salat. Et la preuve, c'est le hadith de Sahl ibn Sa'd, radiallahu anhuma, qui l'est dit, on ordonnait aux gens de placer leur main droite sur leur main gauche lors de la salat. Et lui, ce sahabi, qui est Sahl, attribua cet ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falahu hukm al-raf'. Donc de là, il y a d'autres hadiths, mais le chi'a rapporte plus facile à retenir. Il est plus authentique, également. Mais d'autres hadiths sont venus dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit que nous, les prophètes, nous étaient ordonnés, lors de la salat, de passer la main droite sur la main gauche. Et ça, c'est quand? Lors du qiyam, lorsqu'on est debout. D'accord? Lors du qiyam. Lorsqu'on récite la fatiha, la surat qui va après, dans les deux premières rakat, ou dans les deux autres, ou celles d'après, lorsqu'elles sont silencieuses et qu'il n'y a que la fatiha. Lors du qiyam, on lève les mains. Après, il y a eu un khilaf en se relevant du recours. Est-ce qu'on les met ou pas? Mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. فقال المؤلف في المسألة الواحدة وسبعين أصح الدعاء في الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فسئل عما يقول فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه. Donc il dit l'invocation dans le 71e point. Il dit l'invocation d'ouverture après le premier takbir, la plus authentique, c'est ce qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui l'a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le takbir lors de la salat, se taisait un léger instant avant la récitation. Il fut donc interrogé et il dit, sur ce silence, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je dis, ô Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme l'est le vêtement blanc de la souillure. Ô Allah, lave mes péchés par l'eau, la neige et la glace. Donc là, c'est le doa d'istiftah, le plus authentique qui était rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce qu'il fait après le takbir et avant de réciter le fatiha. Et des doigts d'istiftah, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a plusieurs. Le chien n'a rapporté que le plus authentique. D'accord? Il y en a plusieurs à apprendre. Et certains même sont particuliers en certaines situations, comme par exemple, si salat al-layl, qayyam al-layl, la salat de nuit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait un doigt particulier. Vous voyez? Et ces doigts-là, vous pouvez les trouver dans les kutub de Askar, d'invocation. Mais si la personne se limite à un seul, alors il n'y a pas de mal. Mais plus la personne veut varier et appliquer le plus de sunnah possible, alors elle utilise plusieurs invocations qu'elle aurait apprises. Wa nakhtim bil mas'ala athaniya wa sab'in. Qala al mu'allif, hafizahu Allah ta'ala, qabla qira'ati al fatiha, ista'iz billahi min ash shaytanir rajim, wa sammillahi sirrah, wa dalilu فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه وفي لفظ فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح. Dans le 72e point, avant de réciter la Fatiha, demande protection auprès d'Allah contre Shaitan lapidé. Et dit la basmala, qui est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. Ça, c'est le shahid, à voix basse. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, lorsque tu récites le Coran, demande protection auprès d'Allah contre le Shaitan le lapidé. Et d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr et Omar commençaient la récitation dans la salat par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Al-Fatiha. Directement, on n'entendait pas d'eux dire Bismillahir Rahmanir Rahim, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version du hadith, ils ne disaient pas à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et cela est rapporté par Ahmed et Al-Nasa'i par une chaîne transmission authentique. Donc là, certains savants ont divergé par rapport à l'isti'aza, qui est le fait de dire A'udhu billah minash shaitan ar-rajim. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Et la plupart des savants voient que cela est recommandé et non pas obligatoire. Cependant, celui qui ne viendrait à ne pas le faire pourrait en subir des wasawis de la part du shaitan et que cela pourrait en affecter sa salat. Donc c'est une invocation et elle est importante car shaitan tentera toujours de prendre sa part dans la salat ou dans tout autre acte d'adoration en déconcentrant ou en faisant entrer du riya peut-être ou ré les alika parmi les choses qui peuvent nuire à l'adoration. Donc cette invocation est très importante qui est le fait de rechercher refuge auprès d'Allah contre shaitan al-wajim qui est notre ennemi déclaré et qui ne laisse pas un instant et pas un répit sans qu'il ne puisse tenter de lancer l'assaut contre nous. Et la mas'ala de la basmala à voix haute, c'est une mas'ala sur laquelle il y a eu un grand khilaf. La parole authentique, c'est celle-là, c'est que la basmala, on ne la fait pas à voix haute. D'accord? On ne la fait pas à voix haute, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ni Abu Bakr, ni Omar. Et quand bien même, ça aurait été que le prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement, ça aurait été suffisant. Mais il y a eu un khilaf par rapport à d'autres sahaba qui eux l'ont fait. Ça fut rapporté par d'autres sahaba que eux l'ont fait. De là, des gens ont pris cet avis également. D'accord? Le problème, c'est que certains ont exagéré. Ils sont partis jusqu'à voir que celui qui ne fait pas la basmala à voix haute, sa salat, elle est batil, elle est pas valide. Et ça, c'était pas vrai. Car déjà, à la base, la basmala est faite à voix basse. Et quand bien même quelqu'un viendrait à la faire à voix haute, Ibn Kathir rapporte dans son tafsir, il dit Ajma'u ala sihat salat man jahara bil basmala wa man asarra biha. Walillahi alhamd wal minna. Celui qui fait la basmala, qu'elle soit à voix haute ou à voix basse, elle est sahih, elle est valide. Et des gens, malheureusement, aujourd'hui, parmi les awam, ceux qui sont ignorants, qui imitent des paroles de certains imams, disent que si jamais on n'entend pas faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute, ils se mettent en colère et disent que ta salat n'est pas valide. Cela n'est pas vrai. Et comme nous avons dit, et même le plus proche de la sunna, c'est de ne pas le dire à voix haute. D'accord? De ne pas dire à voix haute. Mais certains savants ont dit que pour éviter des fitan, parfois avec des gens, cela pourrait amener à vraiment des gros problèmes. Si la personne le dit de temps en temps, à voix haute, déjà, parce que certains sahaba l'ont fait. Qu'on ne blâme pas. Mais il ne faut pas que ça soit une chose qu'il fasse continuellement. De temps à autre, seulement. Pour, par exemple, éviter que des gens se mettent à faire des problèmes dans la mosquée. Ou aurait les alika. En tout cas, les savants ont bien dit qu'il n'y a rien d'authentique rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui prononçait la basmala à voix haute. Rien du tout. Cela n'est venu que de certains sahaba et de tabi'in, d'après eux. C'est tout. Donc, al-hujja huwa qawl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'argument, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en réalité, la vie le plus sûre est de ne pas le faire. D'accord? Mais si demain, quelqu'un venait à le faire, Yannine, il n'y a pas forcément lieu de l'agresser. On peut lui demander pourquoi tu le fais, pour voir quelle est sa raison. Peut-être que lui connaît la masala et dit « Je l'ai fait pour éviter une fitna par rapport aux gens derrière moi. » Mais je ne le fais jamais en général ou très rarement. Et c'est quand même quelqu'un qui le fait tout le temps. Alors là, on peut lui dire que le prophète Sarsam ne l'a pas fait. Et certains, parmi les imams, comme Ibn Khuzaïma, Waghayru, Wal-Awza'i, ils voient que le fait de dire la basmala à voix haute, c'est une bid'a. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qawl. Mais eux le voient, par exemple, que c'est une bid'a. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, et on a pris 5 masa'il. La première qui est de faire face à la qibla. La deuxième qui est de lever les mains lors du takbir. La troisième qui est le fait de mettre la main droite sur la main gauche. La quatrième, le doa d'istiftah, l'invocation d'ouverture. Et la cinquième, l'istiaza billah min ash-shaytan ar-rajim, le fait de rechercher refuge auprès d'Allah du shaytan ar-rajim. Et également, on a parlé de la basmala. Est-ce qu'on a dit à voix haute ou à voix basse?